explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Dans l'Égypte ancienne, une croyance prétendait que les hommes mouraient deux fois. La deuxième se produisait à la mort de la dernière personne ayant prononcé le nom du défunt. Il était donc primordial pour les pharaons que leur nom soit prononcé par les générations suivantes pour accéder à l'éternité. Parmi les noms de ces rois, celui de Toutankhamon n'est pas près de disparaître. Pourtant, pendant les siècles qui ont suivi sa mort, ses successeurs ont tout fait pour effacer les traces de son règne, tant et si bien que le nom du pharaon avait quasiment été rayé de l'histoire de l'Égypte antique, lorsqu'en 1922, l'archéologue Howard Carter découvre son tombeau dans la vallée des rois. Un tombeau qui abrite un fabuleux trésor. Des sculptures, des bijoux, des armes ou encore des coffres, des milliers d'objets en ivoire, en ébène, en or et autres métaux précieux. Cette découverte archéologique majeure a fait de Toutankhamon l'un des personnages de l'histoire les plus connus aujourd'hui dans le monde. Grâce à son trésor, le pharaon a échappé, comme il le souhaitait, à sa deuxième mort. Le mec s'appelle On. Il dit c'était comme il avait un phare. Il dit c'est le phare à On. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Autour de la table, Vincent Rondeau et Dominique Farou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vincent Rondeau, vous êtes directeur des antiquités égyptiennes du musée du Louvre et Dominique Farou, égyptologue, conseiller de l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, présenté jusqu'au 22 septembre prochain à la Grande Halle de la Villette et dont France Inter est partenaire. Vous allez donc tous les deux nous raconter ce que contient dans le détail ce fabuleux trésor, les conditions de sa découverte et ce qu'il nous a appris sur l'Égypte antique et plus particulièrement sur le pharaon qu'était Toutankhamon. Pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, nous prendrons le large, nous partirons dans le sillage de celle que l'on surnommait la dame de la mer, Anita Conti. Voilà pour le programme du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued. Sur la rive ouest du Nil, au pied de la colline de Thèbes, la vallée des rois est une véritable termitière de la mort. À ce jour, on y a dénombré plus de 350 tombeaux des temps pharaoniques. Parmi toutes ces découvertes, aucune cependant n'a égalé celle qui a été faite en 1922. La découverte, sous les sables amoncelés par les siècles, d'un jeune pharaon mort à 19 ans il y a 3313 années, Toutankhamon. Et oui, c'est dans la vallée des rois que le tombeau de Toutankhamon a été découvert. On en parlait déjà avec passion en 1967 à l'occasion de la précédente exposition à Paris. La passion ne retombe pas. Hein. L'exposition actuellement présentée à la Villette est un véritable succès. Déjà plus de 1 million de visiteurs. Comment expliquez-vous cet engouement pour ce pharaon, Dominique Farou ? Ouais, plein de raisons en fait qui s'additionnent. D'abord, on est en France, donc le goût de l'Égypte est quand même, je pense, inégalé. Nous sommes le pays où le plus grand nombre de gens s'intéressent à l'Égypte ancienne. D'autre part, pourquoi Toutankhamon personnellement ? C'est parce que c'est une histoire extraordinaire quand même qui fait rêver tout le monde. On a tous gardé une âme d'enfant quand on entend parler de Toutankhamon. C'est vrai qu'il y a un côté conte de fées hein, à cette histoire Toutankhamon. Ce pharaon devenu pharaon alors qu'il était encore enfant, dont on a voulu effacer le nom de l'histoire. Et puis qui revient par la grande porte avec la découverte de ce trésor absolument fastueux, très impressionnant, dont on ne découvre qu'une partie, là, la grande halle de la Villette. Oui, puisque il y a 150 objets, c'est énorme, mais 150 sur plus de 5000. C'est la caverne d'Ali Baba, quoi. Vincent Rondeau, il y a aussi une passion pour l'Égypte. Hein, Dominique Farou en parlait. Elle se dément pas, cette passion pour l'Égypte. Pourquoi une telle fascination pour cette civilisation ? Oui, elle se dément pas, vous avez raison, mais il me semble qu'il y a aucune raison pour qu'elle se démente. C'est ça que nous rappelle cette exposition. En fait, c'est l'exposition et son succès est un des temps supplémentaires de cette fascination pour l'Égypte ancienne. Dominique a eu raison de rappeler que, sans doute, du fait de l'expédition d'Égypte et du fait de la découverte des hiéroglyphes par Champollion, l'intérêt de la France est particulièrement visible, admettons. Mais l'intérêt, il est mondial, il est européen au départ, et il est mondial désormais. Et à mon sens, il est aussi massif, aussi répandu, pour la raison que c'est une fascination que nous recevons en héritage, en quelque sorte, parce que elle remonte très très loin dans l'histoire. Mmh. Les premiers à avoir été fascinés par les Égyptiens, par les pharaons, c'étaient les Grecs, puis les Romains. Mmh. La Bible parle beaucoup de l'Égypte et de Pharaon. Et du coup, tous ces éléments d'un intérêt très ancien se sont transmis de génération en génération jusqu'à nous, puis jusqu'à l'exposition d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'histoire de Toutankhamon est associée à jamais à celle du découvreur de son tombeau, Howard Carter, Dominique Farou, qui était cet archéologue, lui aussi assez hors du commun. Ah oui, oui. Bon, déjà, c'était avant tout un dessinateur extraordinaire, parce que c'est comme ça qu'il est arrivé en Égypte, je crois, dès l'âge de 17 ans. Enfin, il commence très, très à fouiller à 17 ans en Égypte. Ben oui, oui. Ouais. Fasciné, alors il va mettre du temps avant de trouver ce tombeau. Ah oui, ben, au départ, il n'est pas venu chercher le tombeau de Toutankhamon. Hein. Il a travaillé en Moyenne-Égypte, il a dessiné les tombeaux de Beni Hassan, enfin bon, etc. Il a eu une vie assez rocambolesque, on doit le dire. Il est devenu inspecteur des antiquités. Après s'être battu avec des touristes, c'est lui qui avait raison d'ailleurs, mais bon, il avait un sale caractère. Mmh. Il a quitté le service d'antiquités, il est devenu aquarelliste, puis il a été embauché par Carnarvon, et c'est comme ça qu'a commencé la grande aventure. Ouais. Alors lui, il a quand même cette intuition que le tombeau de Toutankhamon existe et n'a pas été encore pillé. Qu'est-ce qui lui fait penser ça? Oui, parce que c'est pas une intuition quand même. Parce que, une intuition, c'est toujours quelque chose, dans ce cas-là, qui repose quand même sur des éléments concrets. Ouais. C'est-à-dire, alors évidemment, il pouvait pas être sûr d'avoir raison, mais on n'avait aucun objet provenant de la tombe de Toutankhamon. Les tombes pillées, il y a toujours quelque chose qui passe. Là, on n'avait rien. Alors, il ne pouvait pas savoir forcément si on ne l'avait jamais pillé, mais au moins, il pouvait être sûr qu'on ne l'avait jamais trouvé, cette tombe. Alors, comment se fait-il, oui, parce que... Et puis, comment est-ce qu'il s'appelait celui qui fouillait dans la Vallée des Rois à cette époque. Bon, c'est pas très grave. Qui trouve une petite fosse dans laquelle se trouvent des objets qui clairement sont des objets qui sont liés à la fermeture du tombeau de Toutankhamon dans la Vallée des Rois. Ouais. Et donc Carter s'est dit je vais attendre que la concession soit libre, parce que si on a ça, c'est que la tombe doit être dans le coin. C'est ça. En fait, il retrouve des éléments qui ont servi à préparer la tombe de Toutankhamon, donc il se dit, la tombe ne doit pas être très loin. Mais pourtant, lorsque l'on va dans la Vallée des Rois, les portes des tombeaux sont visibles. Alors comment se fait-il que la porte du tombeau de Toutankhamon soit passée pendant 3300 ans inaperçue? Ça, oui, c'est ça. C'est le phénomène extraordinaire, il est probablement là, dans les conditions, en tout cas, de la conservation, puisque, comme vous avez tout à fait raison de le rappeler, il ne s'agissait pas de cacher ces tombeaux. Ils étaient visibles, ils étaient connus de tous, évidemment. Et je crois qu'on peut même préciser que cette visibilité faisait qu'ils étaient pillés très rapidement après les inhumations des souverains. On a notamment conservé de cette époque-là des minutes de procès de pilleurs de tombes, de pilleurs de tombes de rois. Et il se trouve que dans le cas de Toutankhamon, qui a été inhumé dans une petite tombe, au cours d'une inhumation qui s'est faite rapidement, dans des circonstances un peu exceptionnelles par rapport aux autres, sa tombe s'est trouvée en outre recouverte assez vite par les gravats du creusement d'autres tombes, donc de tombes ultérieures. Et ça, évidemment, ça a contribué à cacher définitivement l'emplacement du tombeau, qui, par ailleurs, était plus facile à cacher qu'un autre. Oui, parce qu'il était petit. Parce qu'il était petit. Et puis aussi, parce qu'il était dans le fond du vallon, moins exposé. Enfin, etc. Il y a plein de circonstances. C'était pas au bon endroit pour une tombe. Voilà, topographiques qui font que ça a pu être... Mais je voulais aussi, pour ce qui est de la... Pour aller dans la suite de ce que vient de dire Dominique Farou, l'intuition, oui. En fait, moi, je pense que il s'agit à proprement parler d'une entreprise archéologique. C'est-à-dire que vous fouillez avec une hypothèse de travail. On associe, nous, évidemment, ça à une chasse au trésor, enfin, une chasse au trésor, à la découverte d'un trésor. Mais c'est le résultat d'une enquête archéologique au sens professionnel du terme, si vous voulez. Ouais, il ne l'a pas trouvé par hasard, non, ce trésor. Non, il avait une hypothèse de travail et il a voulu la vérifier par la fouille. Et il y est arrivé. Et c'est ça qui rend l'opération absolument exceptionnelle. Ouais. Alors, il a quand même mis 10 ans pour y arriver. Même au moment où il la trouve, cette tombe, en fait, il n'y croit plus trop. Il s'apprêtait à rassembler ses équipes et à dire, on laisse tomber, je jette l'éponge. Il a bien fait quand même d'insister un petit peu, puisqu'en novembre 1922, Howard Carter trouve enfin l'entrée qui conduit au tombeau. Et puis alors, donc, il ouvre cette première porte, il tombe sur un escalier, et voici l'un de ses écrits où Howard Carter raconte ce moment unique dans sa vie d'archéologue. Le 26 novembre devait être le plus beau jour de ma vie. À 10 mètres de la première porte, on en mise un jour une seconde, scellée elle aussi. L'instant décisif arrivait. Les mains tremblantes, je pratiquais une petite ouverture dans le coin supérieur gauche. J'y introduisis une tige de fer qui ne rencontra que le vide. Et puis, je plaçais une bougie devant l'ouverture pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'émanation dangereuse. J'élargis le trou et je regardais. Lord Carnarvon et Lady Evelyn étaient près de moi. D'abord, je ne vis rien. L'air chaud qui s'échappait de la chambre faisait clignoter la flamme de la bougie. Et puis, à mesure que mes yeux s'accoutumaient à l'obscurité, des formes se dessinaient lentement, d'étranges animaux, des statues et partout le scintillement de l'or. Pendant quelques secondes qui durent sembler une éternité à mes compagnons, je restais muet de stupeur. Et lorsque Lord Carnarvon me demanda enfin « Vous voyez quelque chose ?» Je ne pus que répondre « Oui, des merveilles !» Des merveilles, Vincent Rondeau. Il y a plusieurs salles dans ce tombeau. Par quelle salle entre-t-il Howard Carter dans le tombeau de Toutankhamon ? Les salles sont... On a dit que c'était un petit tombeau et donc les salles sont limitées. Et surtout, le plan n'est pas plus rectiligne qu'il est dans les cas des autres tombeaux royaux. Il tourne un peu comme une coquille sur lui-même. Du coup, il y a 3 salles de mémoire et il a fallu aux gens qui ont assuré l'inhumation du roi entasser littéralement dans cet espace exigu tout un matériel qui était prévu pour l'inhumation et qui parfois était d'un très grand format et puis qui entrait à peine dans les pièces. Et du coup, c'est un énorme amoncellement de meubles. Il y a presque, sans vouloir manquer de respect à Toutankhamon, une impression de Capharnaüm. Hein. On a l'impression de rentrer dans un grenier avec énormément de choses, plein à craquer, Dominique Farout. Oui, bah c'est un garde-meuble, quoi. C'est-à-dire, on met, pour comparer des choses, je sais pas, le mobilier d'un château dans un appartement parisien. Ouais. Alors il y a cette antichambre lorsqu'il arrive où il voit déjà toutes ces statues. Il y a une petite annexe à côté de l'antichambre et puis cette antichambre mène à la chambre mortuaire. À quoi ressemble-t-elle la chambre mortuaire ? Alors à ce moment-là, donc elle est remplie par cet ensemble de sarcophages couverts de chapelles emboîtées les unes dans les autres, et en fait ça va jusqu'à grosso modo 50 centimètres de la surface des murs. Ouais. Et en fait le quatrième mur, celui qui ferme l'ensemble, a été construit après qu'on a rempli complètement tout ça. Ouais. Et peint, et c'est ce qui a donné tous ces champignons qui ont attaqué les peintures, parce que vous comprenez, au dernier moment, juste après l'inhumation, on a mis un mur plâtré. On a peint, alors là c'est pour le coup à fresco, et puis c'était fermé hermétiquement. On se demande même comment ils ont réussi à vider le tombeau même. Ouais, c'est-à-dire que au centre de cette petite chambre mortuaire dont le dernier mur a été ajouté à la fin, on trouve, alors c'est une tombe, en fait ce sont des chapelles, c'est un emboîtement, trois chapelles, puis ensuite différentes boîtes pour arriver au sarcophage qui lui-même renferme plusieurs cercueils. On va écouter le récit. Ce sont des poupées russes en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment des poupées russes, ce sont vraiment des poupées russes. On va écouter Howard Carter lui-même raconter comment il va procéder à l'ouverture de ces différentes poupées russes pour arriver jusqu'au sarcophage, puis à la momie. J'ai soigneusement coupé la corde, puis j'ai enlevé le joint précieux, tiré le verrou et ouvert la porte. Une deuxième chasse s'est révélée, encore plus belle que la précédente. Avec une exaltation intense, j'ai avancé, j'ai déverrouillé cette porte intérieure et elle s'est ouverte devant nous. Là, occupant toute la partie intérieure, se dressait un immense sarcophage en quartz jaune. Dans un silence de mort, on a soulevé le couvercle énorme qui pesait plus d'une tonne. La lumière brillait dans le sarcophage. Mais quelle déception. Le contenu était entièrement couvert de linceuls en lin. Mais lorsqu'on a enlevé le dernier linceul, nous en avons eu le souffle coupé, tant le spectacle était merveilleux. Une magnifique effigie en or du jeune roi se trouvait à l'intérieur. Ce n'était que le couvercle d'une série de trois cercueils gigognes qui enfermaient les restes du jeune roi Toutankhamon. Et dans les bandelettes de cette momie, on trouve encore une multitude d'objets précieux en or qui étaient censés accompagner Toutankhamon dans l'au-delà, et il fallait qu'il les tienne au plus près de lui-même. Oui, c'est une des choses extraordinaires de cette découverte, c'est qu'on retrouve le corps momifié intact. Je veux dire la momification intacte, c'est-à-dire tout l'appareil de talisman finalement qui doit protéger le défunt dans l'au-delà. Pour franchir les portes qui vont l'amener à la vie éternelle et pour survivre éternellement ensuite. Et en fait, tous ces bijoux, qui sont autant de divinités, autant de protections, autant de talismans, comme je l'ai dit, magiques, sont là pour préserver le corps. Il avait comme ça, par exemple, les avant-bras qui étaient couverts de bracelets se succédant les uns aux autres. Des bracelets somptueux, mais c'est pas le caractère somptueux des bracelets qui est utilisé là, c'est le côté talisman qui est important. Alors on a vu, hein, il y a cette antichambre, il y a la chambre mortuaire, et à côté de la chambre mortuaire, il y a la salle du trésor, enfin celle que l'on a appelée la salle du trésor. Dans la suite de cette émission, nous allons revenir sur les différents éléments du fabuleux trésor de Toutankhamon et sur ce que ce trésor a appris aux égyptologues. Pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. تعال نجد المنى والغرام كفانا البعد وايام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأمان حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل الأمل تعال نجد المنى والغرام كفانا البعد وايام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب انت الهوى انت ملء الاماني C'était Tango Soap Kills sur France Inter dans le temps d'un bivouac. On peut lire une malédiction sur le coffre. Dans cet endroit sacré, ce qui a été proféré dans les temples de l'Égypte ancienne risque d'être toujours valable. Ouais, ouais, d'accord, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Elmout Tenzel Ali Yefta Essanduk. La mort viendra s'abattre d'une aile vengeresse sur les hommes qui auront l'impudence d'ouvrir ce coffret. Quant à lui, le mort vivant, s'il devait être ramené à la vie, il serait obligé par la loi d'Horus d'accomplir la malédiction. Ouais, faut bien faire gaffe de pas ramener un mort à la surface, hein. Alors il ne sera plus le mort vivant, mais une plaie qui s'abattra sur la terre. Extrait du film La Momie, sorti en 1999, et je vois la tête souriante, amusée de mes invités Vincent Rondeau, directeur des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, et Dominique Farou, égyptologue, conseiller de l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon. Alors évidemment, cet extrait, c'est pour aborder la fameuse malédiction de Toutankhamon. Hein. Beaucoup de gens ont dit que suite à l'ouverture du tombeau, il y avait eu une épidémie de mort en série pour ceux qui avaient participé à la découverte. D'où ça sort cette légende ? Alors, déjà, avant de répondre, je pense que tous ceux qui parlent arabe ont dû se marrer en entendant ce que racontaient réellement. Les soi-disant hiéroglyphes, c'était de l'arabe et c'était à mourir de rire. Ah oui ? Oui, oui, bon, mais c'est pas le sujet, mais quand même. En fait... s'il y a quelque chose qui est bien une légende, une vraie légende, c'est bien celle-là. Carnarvon fait des fouilles en Égypte parce qu'il a eu un grave accident de voiture, il est cassé de partout, il a une santé extrêmement fragile. C'est celui qui finance tout. Hein, c'est lui qui finance tout. Et alors lui, il meurt, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il devait savoir en venant qu'il avait des chances de pas repartir. Donc déjà, le canari, parce qu'il y a le canari aussi qui a été mangé par un cobra. C'est vrai que il y a pas de cobra en Égypte et ils mangent pas les petits oiseaux d'habitude. Donc ça, c'est vraiment un truc extraordinaire. On a aussi l'histoire de la coupure d'électricité au Caire. Tous ceux qui ont vécu en Égypte savent que ça n'arrive jamais. Enfin voilà. Ouais, bon, d'accord. En fait, on a essayé de faire des parallèles, des coïncidences. Et, voilà. Et puis on a fait mourir des gens qui sont jamais morts. Donc Gardiner, il est mort en 60 quelque chose. Enfin, nous étions gamins quand il est mort. Bruyère, dans une interview en 1967, raconte, donc c'était un égyptologue français qui fouillait à Deir el-Médineh, raconte qu'il fait partie des morts, enfin bon, etc. C'est une fausse histoire, et visiblement c'est une histoire qui est en partie inventée par Conan Doyle. Ah oui, donc voilà. Mais c'est complètement faux, ça repose sur rien du tout. Mais ça rajoute de la magie et de la passion. Les fouilleurs, ils ont vécu plus longtemps que leurs contemporains. Ah, oui. Alors, on va dire, Carter, il a dû mourir vers 55-60, ce qui est un âge normal à l'époque. Les autres ont presque tous vécu entre 70 et 90 ans, quand même. Vincent Rondeau. Oui, moi, je voudrais ajouter à ce que tu viens de dire que on ne trouve pas impunément un trésor comme celui-là sans que on doive admettre qu'on doit le payer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et je pense que, de ce point de vue-là, on peut pas s'empêcher de penser qu'il faut payer d'une façon ou d'une autre une découverte de cette ampleur. Ouais. Un trésor pareil. Ouais. Et du coup, la malédiction, elle survit à tous les commentaires, à toutes les dénégations. Puis en plus, aujourd'hui, il y a le mot fake news qui n'a rien à voir avec là, qu'on réutilise et qui permet de réalimenter le... Ouais. Alors, Toutankhamon était un pharaon quasiment oublié, pas complètement, puisque quand même Howard Carter était sur sa trace, mais il était quasiment quasiment oubliée. C'est-à-dire que les successeurs de Toutankhamon avaient pris soin vraiment de l'effacer des listes, des registres. Pas tout à fait. Parce que, en réalité, voilà, c'est, il faut comprendre, après Toutankhamon, il n'y a plus que son grand quelque chose, le dernier homme de la famille encore en vie, Haï, qui lui succède, qui lui aussi est un atoniste, c'est-à-dire quelqu'un qui avait adoré le disque solaire sous la forme qui avait été préconisée par le père de Toutankhamon et qui avait effacé Amon-Ré, roi des dieux. Ah, il faut qu'on vous suive là, c'est-à-dire que Toutankhamon est sur une lignée de croyances où l'on vénère son père a commis le crime absolu. Enfin bon, et le problème c'est que Horemheb, qui est probablement le général Paratonemheb du père de Toutankhamon, lui, en réalité, donc il est entaché aussi de cette chose. Mais quand il monte sur le trône, lui, c'est pas un membre de la famille royale, c'est le dieu Amon-Ré, roi des dieux, qui l'a mis là, et il est donc son champion. Et donc, c'est à partir de son règne qu'on va se mettre à effacer les noms de tous les membres de cette famille qui ont commis cette faute terrible, en fait. Mmh. Et donc, on les efface. Mais alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on efface tout le monde partout, y compris dans leur tombe, on fracasse leur sarcophage, on efface leur nom dans la tombe, etc. Tous, sauf un, c'est-à-dire Toutankhamon, on a effacé son nom, on l'a radié de tout, mais on n'est pas allé dans sa tombe. Et à mon avis, quand même, les Horemheb, Ramsès Ier, Séti Ier, c'est-à-dire ces trois rois qui ont suivi, eux vivaient déjà au moment de l'enterrement de Toutankhamon, donc savaient très bien où était la tombe. Ouais. Bah, n'empêche qu'ils sont pas allés la toucher. Alors ça, c'est une énigme. On sait pourquoi. C'est du respect. Je ne sais pas. N'empêche qu'à mon avis, il y a eu une damnation de façade pour lui, mais on a dû trouver qu'il n'était pas aussi coupable que les autres, parce qu'en fait, lui, sa culpabilité, c'était juste d'être le fils d'Akhenaton. Ils avaient l'habitude de faire ça, d'effacer la mémoire de souverain. C'est pas le seul Toutankhamon. Oui, c'est pas le seul. Oui, ils passent leur temps à réécrire leur nom dans les cartouches qui portent le nom du prédécesseur. Aussi. Oui, mais ça, c'est un autre phénomène. C'est des phénomènes qu'on observe, en effet, vous avez raison de rappeler celui-là, mais pour le coup, qui n'a rien à voir. Dans le cas de Toutankhamon, là, on utilise une expression latine, on parle de damnatio memoriae. On damne la mémoire d'un souverain. Mais on a l'habitude, quand on reconstitue l'histoire égyptienne, il y a plusieurs souverains qui sont dans ce cas-là, à différentes époques. Donc, c'est pas quelque chose qui va suffire à faire disparaître la mémoire d'un roi. Donc, Toutankhamon, il existait dans les généalogies royales au moment où on cherchait sa tombe. Et c'est parce qu'il existait que l'on cherchait sa tombe. Mmh. Et donc, c'est, si vous voulez, oui, il y a eu une volonté de faire disparaître sa mémoire, enfin, pas sa mémoire, le règne. Mmh. Et le pouvoir magique de ces hiéroglyphes qui peuvent revivre, vous l'avez dit au début de l'émission, il faut mentionner le nom du pour la vie éternelle, il faut mentionner le nom des gens Toutankhamon, etc. Alors dans le cas de Toutankhamon, c'est gagné, hein, parce qu'effectivement depuis la découverte du trésor, c'est gagné au centuple. Ah oui. Mais c'est gagné dans le cas de tous les Égyptiens finalement, parce qu'on est toujours amené à prononcer leur nom dans des cercles savants, dans des cercles publics, donc ils ont gagné, mais l'éternité. Ils ont gagné leur coup sans problème. Alors on va s'intéresser un peu à ce fabuleux trésor. Combien d'objets étaient enfermés dans ce tombeau de Toutankhamon ? Plus de 5000, non ? Oui, combien ? Je sais plus, 5300. À force de le dire, j'ai fini par... Oui, enfin, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Il y a autant d'objets qui se trouvaient dans la tombe de Toutankhamon que ce qui est présenté actuellement dans les collections égyptiennes du musée du Louvre. D'accord. Ouais. Là, ça donne. Allez visiter des collections égyptiennes. Il y en a à peu près 6 000, Dominique. Oui, bah, c'est à peu près. Il y en a plus dans les collections du Louvre. Il va chipoter pour quelques centaines. Ça devient une discussion de spécialistes. Donnez-nous des exemples de ces objets que vous avez particulièrement, qui vous ont touché ou que vous avez particulièrement remarqué. Parce qu'il y en a tellement, on ne sait pas par où commencer. Alors, il y a le petit fauteuil de ce pharaon qui a commencé à régner alors qu'il était enfant. Oui, là, à chaque fois que je le vois, ça me pince le cœur. Bon, parce que on imagine ce petit enfant qui est orphelin, voyez Pouilly dans le film Le Dernier Empereur sur son trône là. Enfin voilà, on imagine quelque chose comme ça. C'est un peu, c'est assez triste en fait l'histoire de Toutankhamon quand même. Ouais. Pourquoi triste? Il est orphelin, il y a plus de parents. Tous les membres de sa famille sont morts. En gros, quand il commence à régner, il a une sœur qui est son épouse et un grand oncle, quelque chose comme ça, qui est donc son vizir Aï. Mmh. Et les autres, ils sont tous morts. Mmh. Donc je sais pas, j'imagine un petit enfant d'entre 8 et 10 ans, c'est un peu triste quand même. Puis il y a aussi tout le... Je pense que pour ajouter à cette solitude du jeune roi qu'on a du mal à restituer, il y a aussi tout l'appareil d'État qui est autour. Ouais. C'est-à-dire les grands dignitaires, les grands prêtres des temples, le temple d'Amon bien sûr, mais tous les autres temples de la vallée, l'armée... les hauts fonctionnaires, les vizirs, etc., etc. Et donc, il se retrouve, cet enfant qui a 8-9 ans, il se retrouve au milieu d'un ensemble de la cour qui le dépasse complètement et qui va lui imposer, donc, de défaire tout ce que son père a fait. C'est-à-dire que Dominique évoquait le culte à ce disque solaire, l'aton, le disque unique. Il va falloir qu'il revienne à la tradition, au culte d'Amon, et qu'il défasse tout la volonté de son père. Alors on va revenir dans la suite de cette émission à la vie de Toutankhamon, à la façon dont il a régné, parce qu'il a régné jeune, mais relativement longtemps, une dizaine d'années. Donc à la fin de sa vie, il était quand même en âge d'être un homme. On va y revenir. Oui. Je voudrais quand même que vous me donniez quelques éléments de ce trésor. Vous avez sauté cette question. Quand même, sur lui, il y a quand même une chose, c'est son nom, qui est quand même unique dans l'histoire égyptienne. Il porte un nom divin depuis sa naissance. Et c'est le seul qui a un nom pareil. C'est-à-dire, il s'appelle quand même l'image vivante, c'est le disque solaire. Aucun être humain n'a jamais porté un nom comme ça dans l'Égypte ancienne. Enfin, c'est comme si on avait appelé Louis XIV Jésus, fils de Dieu. Un truc comme ça, hein, quand même. Mmh. On l'appelait le roi soleil, on n'était pas loin du soleil. c'est un nom, il s'appelait Louis. Ouais. Là, c'est un nom qu'on n'a jamais donné à un être humain. Ouais. Ça veut dire que dès sa naissance, on lui a donné un nom qui n'est pas un nom propre normal, quand même. Mmh. Et il l'a gardé, en fait, parce que j'ai réalisé qu'il s'appelle Toutankhamon, mais en fait, il a quand même gardé ce premier nom et il avait un double nom pendant tout son règne. Je ne désespère pas de vous faire parler de ce trésor d'ici la fin de cette émission. Nous allons apprendre aussi ce que ce trésor nous a appris sur Toutankhamon et sur l'Égypte des pharaons. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Now it's told that war is out. cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. C'était This Life, Vampire Weekend sur France Inter. Regarde ce signe. Ici, il est en copte. Ici, en démotique. Ici, en égyptien ancien. Et ici, en hiéroglyphe. La version la plus ancienne. Si les hiéroglyphes ont un lien avec le démotique, c'est qu'ils sont l'écriture d'une langue, pas de vagues symboles mystiques. André ? Professeur Champollion, allons-nous étudier les hiéroglyphes ? Oui. Bien évidemment que nous les étudierons. 100 ans avant la découverte du trésor et du tombeau de Toutankhamon, Champollion parvenait à déchiffrer les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette. Invité du temps d'un bivouac, Vincent Rondeau et Dominique Farou. Vincent Rondeau, c'est une découverte de la même importance que cette pierre de Rosette et du déchiffrage des hiéroglyphes, la découverte du trésor de Toutankhamon. Je me permets de répondre tout directement en vous disant que la découverte importante, c'est les hiéroglyphes. Ouais. Parce que ça, c'est une découverte fondamentale. La découverte du trésor de Toutankhamon est fascinante, est une entreprise archéologique tout à fait hors norme. Mais la découverte des hiéroglyphes, alors là, ça nous ouvre une clé vers toute une civilisation, vers toute une compréhension, vers la naissance d'une discipline, l'égyptologie, hein, qui n'existait pas auparavant. Donc, je réponds que celle de Champollion est... Ouais. Pardonnez-moi, infiniment supérieur. Ah bah, mais c'est pas. Je ne le prends pas personnellement. Voilà. Alors regardons un petit peu ce qu'il y a dans ce trésor. Des armes, des bijoux, des chars démontés, des bateaux miniatures. Faites-nous un peu l'inventaire de tout ce que l'on trouve dans ce trésor. Alors il y a déjà une chose que je voudrais dire, c'est que l'avantage de cette exposition, avec ses 150 objets, mais comme la précédente d'ailleurs, c'est qu'elle permet de sortir de cet amoncellement considérable. Quelques objets qu'on va avoir le temps de contempler. Ouais. Alors le siège, le petit fauteuil de Toutankhamon en ébène avec des incrustations d'ivoire, etc., et des petits tableautins en or qui symbolisent toute la richesse de l'époque, tous les tributs des populations qui viennent apporter des matériaux précieux, c'est extraordinaire. Moi, il y a deux objets aussi que j'ai remarqué, que je les avais déjà vus au Caire, mais là, on les voit, on les contemple. Ce sont des chevets. Il y en a un qui est en faïence et l'autre qui est en verre. Ils sont bleus tous les deux, ils sont magnifiques. Et ça, c'est vraiment des objets qu'on peut contempler. Puis enfin, peut-être la fameuse statue de Toutankhamon avec sa canne, bitume et or. Or pour les couronnes, pour le pagne, pour les sceptres. Qui est vraiment magnifique, là, telle qu'elle est exposée, parce qu'on peut la voir, quoi. Alors, qu'est-ce que nous disent tous ces objets? Vous parliez de la canne. Là, il y a une énigme, hein. Il y a différentes hypothèses. Certains disent que là, c'était l'attribut du roi d'avoir cette canne, un peu comme un sceptre. Il y a pas certains, tous les égyptologues le disent. Oui, mais certains disent aussi qu'il avait, parce qu'il y a beaucoup de cannes qu'on a retrouvées dans ce tombeau. C'est normal, c'est dans tous les tombeaux d'élite en Égypte. Il y a des quantités de cannes énormes, parce que ça exprime le mot parole. C'est la capacité de parole impérieuse. Ça veut dire que vous ne croyez pas à l'idée qu'il était peut-être, il avait peut-être un pied beau et qu'il était peut-être handicapé. Le roi a un pied beau, mais il va pas ressusciter tordu. Donc, il n'a pas de chaussures tordues, il n'a pas d'objet de malade. Le roi va ressusciter avec un corps parfait. Vous avez vu les statues. Ouais. Sur les statues, il est parfait, il boite pas. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il était handicapé ou pas finalement, Toutankhamon ? Enfin, non. Il devait l'être en partie, mais... Ah oui, vous n'êtes pas si d'accord que ça. Non, mais c'est pas ça. C'est aujourd'hui, on n'a pas la même vision de la maladie, de la souffrance, etc., qu'à cette époque, quand même. Ouais. C'est un peu des questions sans solution, si vous voulez, parce que un argument, une hypothèse implique un contre-argument, une contre-hypothèse. Et sur ce sujet-là, et les cannes, ça vient de nous être rappelé parfaitement, ce sont des bâtons de commandement. Donc un souverain, par définition, il a besoin de tous ces bâtons de commandement. En plus, vous avez vu, ils sont décorés du corps de prisonnier qui épouse la courbe de la main de la canne. Donc non, c'est vraiment la symbolique. Et, et là, et rien d'autre. Les attributs du roi et de sa puissance. Alors, il avait aussi avec lui, dans ses bandelettes, un objet qui n'est pas dans l'exposition parce qu'il ne sort pas d'Égypte. C'est un poignard dont la lame est dans un métal très rare. très particulier et que les chercheurs ont récemment analysé. Voilà, c'est fait. Donc ici, on a le résultat de l'analyse au rayon X. On voit la concentration des différents éléments chimiques avec trois pics, le fer, le nickel et le cobalt. L'analyse montre que la teneur en nickel est anormalement élevée. Qu'est-ce que ça nous dit sur le type de fer qui a été utilisé pour ce poignard ? Cette composition chimique ne correspond pas au fer fondu en Égypte ou autre part sur cette planète. Le minerai de cette lame ne se trouve nulle part sur Terre. Mais alors, d'où peut venir ce fer ? Il ne peut venir que d'une météorite. Extrait du documentaire Toutankhamon, les secrets d'un pharaon. Le métal de cette lame, qui provient d'une météorite qui est d'origine extraterrestre, ils avaient conscience quand ils ont utilisé ce métal, quand ils ont... Non. Alors ça, faut pas se tromper. C'est très très récent qu'on ait compris ce que c'était qu'une météorite. Donc ça, ils pouvaient pas le savoir. Là, c'est sûr, ils risquaient pas de savoir ça. En revanche, c'est quand même un métal extrêmement rare qu'il faut aller chercher. On peut en trouver devant sa porte. Qu'ils ont dû aller trouver dans le désert. Puis surtout, on sait un poignard en fer météoritique comme ça, il est unique dans l'Égypte ancienne. Ouais. Mais dans la tombe de Toutankhamon, ouais, on a d'autres objets en fer météoritique, ouais, et surtout, on a un matériau encore plus dingue. C'est le scarabée qui est en verre libique. Ce verre libique, il n'existe que dans... Alors, du verre libique, c'est le résultat la percussion d'une météorite sur le sable. Et cette météorite a sublimé le sable qui est retombé en gouttes. Ça ressemble à du miel. Vous voyez, c'est une sorte de verre. C'est un silicate, quoi. Et c'est ça ne se trouve que à un endroit qui s'appelle le Gilf Kebir, qui est à des centaines de kilomètres, sans puits, en plein milieu du désert. C'est le seul objet, à ma connaissance, fabriqué en verre libique de l'Égypte ancienne. Et on se demande comment ils ont fait pour aller chercher ça aussi loin. Mais ça nous renseigne aussi beaucoup sur le goût qu'avaient les anciens Égyptiens pour les pierres de toutes sortes. Ils sont capables de faire des expéditions très loin pour aller trouver telle ou telle pierre, pour leurs statues, pour leurs objets, etc. Puis ça nous renseigne aussi sur le... Nous, on n'arrive pas à comprendre ça, finalement, qu'il y ait si peu de fer dans cette civilisation qui a fait tant de monuments gigantesques avec des outils en bronze, et en bronze et même en cuivre. Et du coup... c'est quelque chose qui est... Alors, c'est le mot fer qui est important. C'est pas tant méroïtique, hein. Ouais. Mais c'est fer qui... Météoritique. Mais c'est fer qui est le mot magique, là, dans cette affaire. Mais, voilà. Enfin, c'est quand même que... on a cru avant que c'était un don hittite ou autre. Quelque chose qui a été traité... comprenez, c'était du fer. Ils l'ont trouvé sous forme de fer pur. Ouais. Et là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. C'est la rareté aussi qui fait l'importance des choses. Finalement, eux, le fer était plus précieux que l'or, parce que finalement, moins courant. Hein. Oui, alors en même temps, après, au premier millénaire, quand on est à l'âge du fer, en Égypte, on n'est pas à l'âge du fer. Ouais. Et les voisins d'à côté, c'est-à-dire juste derrière la frontière, eux, ils ont des objets en fer. Ouais. Ça montre que les Égyptiens... Je ne sais pas pourquoi, mais ça les intéresse pas. Ouais, ça les intéressait pas. Alors, beaucoup de questions d'auditeurs qui arrivent évidemment sur ce sujet. Béatrice qui vous dit « J'ai été étonnée de lire dans plusieurs articles récents que la mère de Toutankhamon serait Nefertiti, alors que dans l'exposition, il est mentionné The Young Lady. » Alors, que sait-on à ce sujet? Qu'est-ce qu'on sait de la famille, des parents? On sait pas grand-chose. Il y a qu'un truc, c'est qu'avec un nom pareil, c'est le fils de la grande épouse royale et du roi. Parce qu'il peut pas s'appeler avec, on peut pas lui avoir donné un nom divin comme ça dès sa naissance. C'est un nom de couronnement. C'est un nom qu'on ne donne jamais à un enfant. Ouais. Et donc, c'est qu'obligatoirement, c'était le fils d'une grande épouse royale et du roi. Ouais. Alors après, laquelle précisément, avec certitude, j'y mettrai pas ma main au feu. Ouais. On a fait des analyses génétiques. Je ne sais pas quel est le pourcentage de certitude qu'on puisse avoir avec ça. Mais c'est suffisant pour savoir que c'est le résultat d'un mariage endogamique sur plusieurs générations. Ouais. Donc, son père et sa mère étaient des gens qui étaient de la même famille et qui étaient des enfants... de gens qui s'étaient mariés entre eux. Ce que vous dites, quand vous dites endogamique, c'est consanguin. Ah oui, c'est complètement consanguin. Alors, est-il vrai, vous demande Pierre-Marie, est-il vrai que le tombeau ainsi qu'une partie du trésor était au départ celui de Méritaton, la sœur aînée de Toutankhamon? Alors, le tombeau... On comprend de mieux en mieux, enfin on l'avait soupçonné déjà au départ, que en fait l'inhumation réunit beaucoup de meubles et d'objets disparates, si vous voulez, au départ. Il y a toute une partie du trousseau funéraire qui est fabriqué pour l'inhumation de Toutankhamon, mais il y a aussi quantité d'objets ou de meubles qui viennent d'autres éléments, de la garde-meuble de la couronne, par exemple. Et on a retrouvé, et on s'en est rendu compte assez vite, dans ce trousseau funéraire, des objets qui appartiennent à une autre inhumation que la sienne, qui avait été prévue pour une autre inhumation que la sienne. Et en effet, une reine Méritaton très peu attestée par ailleurs. Tout laisse penser, quand on voit que certains objets étaient prévus pour d'autres inhumations, que le tombeau est beaucoup plus petit que celui qu'il faudrait pour un pharaon, que tout ça s'est fait dans la précipitation, qu'il est mort brutalement. C'est un des arguments supplémentaires pour dire que... les circonstances n'ont pas été normales, si vous voulez. Parler de précipitation, je ne sais pas, mais en tout cas dans des circonstances un peu particulières qui n'ont pas permis à l'inhumation d'être au rythme habituel de ce genre d'événement. Dans un instant, vous allez répondre au reste des questions des auditeurs qui arrivent toujours sur franceinter.fr et sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac, qui est en passe d'atteindre les 10 000 likes. Merci à vous de nous accompagner toujours plus nombreux dans nos aventures. Et je suis africain, africain du nord au sud. Et je suis africain, dedans comme dehors. Et je suis africain, et je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro. Je suis africain, c'était Rachida sur France Inter. France Inter, Interactualité Magazine, présenté par Jacques Garat. Et à Paris, ce matin, Édouard Guibert, le président de la République et Madame de Gaulle ont visité l'exposition Toutankhamon. Oui, pendant plus d'une heure, le président de la République, accompagné de Monsieur Okacha, le ministre de la Culture d'Égypte, et de Monsieur Malraux, a parcouru les salles obscures du petit palais où resplendissent les ors et les pierres du trésor de Toutankhamon. Tout cela est incroyable, prodigieux, a murmuré le général de Gaulle. Nous étions le mardi 9 mai 1967, il devait rester 20 minutes, le général de Gaulle, il reste 2 heures dans cette exposition qui a marqué les mémoires, un vrai succès, 10 000 personnes qui viennent au Petit Palais tous les jours en moyenne. Depuis, l'engouement n'est pas retombé, l'exposition à la Villette est aussi un grand succès, déjà plus de 1 million de visiteurs, elle a été prolongée jusqu'au 22 septembre. Est-ce que les objets présentés il y a 52 ans à Paris, au Petit Palais, sont les mêmes que ceux que l'on peut voir à la grande halle de la Villette? En 67, on avait présenté à peu près le même nombre d'objets, en tout cas en quantité de pour l'exposition, mais c'était la plupart étaient d'autres objets que ceux qui sont présentés là. Et c'était un des arguments de l'exposition, de présenter au public européen, français et ailleurs, d'autres objets du trésor. Et en tout cas, le grand absent, si vous voulez, et ça a été l'objet de beaucoup de débats, c'est le masque funéraire de Toutankhamon, que aujourd'hui, et on peut le comprendre d'une certaine façon, les autorités égyptiennes ne veulent plus voir quitter le territoire national. Il est devenu un symbole du pays, quoi. Il ne sort plus d'Égypte. Il était venu la première fois, ce qui avait marqué les esprits. Marie-Noël vous demande, ayant vu l'exposition, je m'interroge sur le parfait état de conservation des objets présentés. Ont-ils fait l'objet de restaurations importantes depuis leur découverte? C'est vrai que je me suis fait la même réflexion en visitant l'exposition. On a l'impression qu'ils sont neufs, on n'a pas l'impression qu'ils ont 3300 ans, ces objets. Dominique Farou. Moi, je vais laisser parler mon petit camarade. Vincent Rondeau. Volontiers. Faut bien comprendre une chose. Ces objets ont été retrouvés intacts, au sens où intègres, si vous voulez. Ils avaient été éventuellement abîmés par la dessiccation des choses, mais le sol les a préservés intégralement. Pour autant, il a fallu, pour les sortir, les restaurer. Et restaurer, ça veut dire les consolider. Hein, les consolider, il ne s'agit pas de rétablir des éléments, un meuble, un élément de meuble, un pied de chaise ou que sais-je. Il s'agit véritablement les consolider avec des méthodes très simples. C'était Lucas, le restaurateur du musée du Caire de l'époque, un très très grand restaurateur de l'histoire de l'égyptologie, qui a eu à prendre en charge ce travail. Ils avaient installé un laboratoire de restauration dans une des autres tombes royales, et pendant des années, on a consolidé les objets avant de les sortir et les emmener au Caire. En 30 secondes, cette dernière question que vous pose Philippe, y a-t-il d'autres pharaons, d'autres momies à découvrir, d'autres trésors fabuleux qui restent encore à découvrir? Alors malheureusement, on va empêcher les gens de rêver. Oui, on va retrouver certainement d'autres rois, mais de cette époque, c'est-à-dire où l'Égypte a été la plus riche, dégoulinait d'or, de pierres semi-précieuses, etc. Non, on n'en aura pas d'autres. On en est sûr? Oh bah oui, parce qu'on les a tous aujourd'hui, ouais. Ou presque. Pas de chambre cachée dans la pyramide de Khéops qu'il reste à découvrir. À l'époque de Khéops, il n'y aura pas des tonnes d'or. Oh, quelle déception. Merci quand même Vincent Rondeau et Dominique Farou de nous avoir passionnés pendant une heure sur cette Égypte antique. En deuxième heure, comme tous les mercredis, nous vous proposons de partir sur les traces d'un voyageur d'hier qui a marqué son époque. Aujourd'hui, il s'agit d'une voyageuse que l'on surnommait la Dame de la Mer, Anita Conti. Nous aurons pour guide son fils adoptif, Laurent Giraud-Conti. À tout de suite.